écoutez le programme de Balade en France. Voici la deuxième partie de cette grande promenade touristique. Située à 800 km au sud de Paris, dans le département de l'Aude, la ville fortifiée de Carcassonne se trouve à une soixantaine de kilomètres de la mer Méditerranée, à 1h30 de voiture de la principauté d'Andorre. Cette cité-forteresse, qui compte 50 000 habitants, Jean-Sébastien Petit-Demange va nous la faire découvrir. Écoutons-le. La première sensation du voyageur qui découvre au loin la cité de Carcassonne, c'est ce sentiment totalement dépaysant d'arriver dans une ville hors du temps, comme s'il entrait de plein pied dans le décor des livres d'images de son enfance. Des ponts-levis, des machicoulis, 52 tours à visiter. Il paraît même que Walt Disney s'en serait inspiré pour créer le château de sa Belle au bois dormant. Carcassonne est connue dans le monde entier pour sa cité médiévale, ensemble architectural unique en Europe, classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Riche d'un passé deux fois millénaire, la ville a vu défiler Gaulois, Romains, Visigoths, Sarrasins et Francs. Et le nom de Carcassonne serait né d'une légende, d'une belle légende. Emmanuel Ouattremet, journaliste à France 3 Toulouse, nous la raconte. Le nom de la ville remonterait à l'époque de Charlemagne. Il faut se remettre dans le contexte. La cité est assiégée par les armées de Charlemagne. Il n'y a plus grand-chose à manger, mais il reste quand même la princesse là-bas, qui s'appelle Dame Carcasse, et puis elle a un petit cochon. Et avec ce qui lui reste de nourriture, elle décide, elle engraisse ce petit porcelet. Et une fois qu'il est bien gras, elle le relâche devant les remparts vers les armées qui assiègent la ville. Et les gens, Charlemagne, voyant comme ça ce petit cochon bien dodu, bien gras, se disent, à l'intérieur, ils ont vraiment de quoi manger, on va pas poursuivre plus longtemps ce siège, vu comment ça se passe. Donc l'armée s'en va, cette dame s'appelait Dame Carcasse, et donc là, on fait voler les cloches, ça sonne à toute berzingue, ça devient Carcasse sonne, Dame Carcasse sonne. Plus besoin de béliers, de canons, de passerelles d'assaut ou de catapultes pour pénétrer dans la ville forte. Il suffit de franchir la porte narbonnaise, un véritable château fort à elle seule, avec ses deux tours à éperons de 30 mètres de haut, construites au XIIIe siècle. Elle défend de manière autoritaire la ville. Vous allez ensuite découvrir les Lys, un immense terrain vague situé entre les deux enceintes. Un chemin de ronde qui fait le tour de la cité et qui permet de se rendre compte de la démesure des murs d'enceinte. Et une fois à l'intérieur, vous allez vous perdre dans les ruelles, dans les vénelles étroites, presque oppressantes, pour arriver jusqu'au château. Construit au XIIe siècle, c'est une véritable forteresse dans la forteresse. Il faisait office de donjon et commandait toute la vallée de l'Aude. Mais le bijou de la cité s'offre maintenant à vous, la cathédrale Saint-Nazaire. Consacrée au XIe siècle, elle associe une nef romane à un chœur et un transept gothique. L'ensemble est surprenant, mais absolument superbe. Les deux styles se complètent de manière harmonieuse et il devient difficile de les dissocier. À l'intérieur, on est frappé par la beauté des vitraux. À juste titre considérés comme les plus beaux du Midi, ce sont de vrais dessins inanimés du XIVe et XVIe siècle, destinés à l'éducation des fidèles. Et il vous faudra prendre le temps de les admirer à différentes heures du jour, le soleil embrasant tour à tour chacun d'entre eux. Direction maintenant la ville basse, injustement oubliée par nombre de touristes. Pourtant, cette ville nouvelle du XIIIe siècle, créée par Saint-Louis sur le modèle des Bastides, comme à Aigues-Mortes par exemple, ne manque pas de charme et possède un certain cachet avec ses vieilles bâtisses et son plan en damier traditionnel. C'est surtout sur la place Carnot que vous découvrirez la vraie vie de Carcassonne, avec ses vieux platanes, sa fontaine en marbre de cône qui glougloute, et surtout son marché aux herbes du samedi matin. Vous y trouverez les meilleurs produits régionaux, ainsi que des fleurs multicolores, et peut-être croiserez-vous Philippe Noiret, qui vient souvent en voisin ici. Et je ne pouvais vous parler d'une autre auberge que celle de Dame Carcasse, bien sûr, où l'on vous servira un cochon de lait grillé au miel de corbière dans un cadre rustique et une ambiance éminemment sympathique, et peut-être vous laisserez-vous aussi tenter par un cassoulet. Haricots, confidois, jarret de porc, saucisses, le tout cuit dans une cassole traditionnelle, et le tour de main du chef fera de ce plat un des grands moments de votre périple. Savez-vous d'ailleurs que la recette en aurait été confiée au XVIe siècle par une vieille femme à Catherine de Médicis, qui cherchait un remède contre la stérilité de sa fille, la reine Margot. Mais aucun enfant ne vint au monde. La reine se serait-elle trompée dans la recette ? Qu'importe. En tout cas, c'est un vrai plat de prince.